Bonjour, une petite vidéo vite faite, pas nécessairement pour influencer par rapport à une opinion, mais juste simplement souligner certaines choses. Donc bientôt, il va y avoir une marche à l'Assomption, dehors la CAQ. Dehors la CAQ. Moi, ce que je regarde là-dedans, c'est qu'est-ce qui a fait que la CAQ est allée au pouvoir et qu'il y a des gens extrêmement naïfs qui ne se souvenaient pas de François Legault, qui a été ministre de l'Éducation, qui a été ministre de la Santé. Qu'est-ce qui a fait que des gens ont voté pour la CAQ? Ben, c'était pour mettre dehors les libéraux. Donc, on voit qu'il y a un principe d'alternance polarisée du pouvoir. Donc, c'est pour mettre les libéraux dehors que François Legault a été élu parce qu'il y avait un ras-le-bol. Donc, de la gestion libérale. Or, si François Legault est mis dehors, si la CAQ est mis dehors, ce qui lui arrivera pas, selon moi, c'est quoi l'alternative? Donc, on a Québec solidaire, il y a le PQ, dont fait partie François Legault, c'est sous la bannière du PQ que M. Legault a été ministre de la Santé et de l'Éducation. Vous avez Éric Duhaime, qui nous vient des médias, qui est en politique depuis très longtemps, qui sait comment ça marche. Il était président des Jeunes libéraux quand il était plus jeune. Puis, est-ce que ça se pourrait, bon, j'en oublie un là, me semble, en tout cas. Est-ce que ça se pourrait que même si la CAQ sort puis qu'ils rentrent quelque chose d'autre, au fond, on constate depuis des décennies qu'à chaque changement de gouvernement, la vie des Québécois, leur niveau de vie, ça s'améliore pas vraiment, au contraire. Il y a de plus en plus de problèmes, puis bon. Est-ce que c'est possible que même si on sort la CAQ, qu'on va se ramasser avec pas mieux? Peu importe le parti. Est-ce que c'est possible qu'au fond, les gens qui gouvernent réellement ne sont pas dans les partis, mais que les partis servent de façade au niveau médiatique et que les vrais enjeux soient toujours en coulisses et que peu importe que la CAQ sorte ou pas, peu importe qui rentre, que ce soit Madame Anglade ou Québec solidaire ou le PQ ou... Ah, c'est Madame Anglade que j'avais oublié, qu'au fond, possiblement que ça ne changerait pas. Et que n'importe qui, une fois au pouvoir, se rendrait compte qu'il a les mains liées par des structures qui étaient là bien avant lui. Comme par exemple, savez-vous qu'un sous-ministre a habituellement plus de pouvoir qu'un ministre? Que souvent les ministres changent, mais les sous-ministres restent. Et que ce sont ces énarques-là qui sont de hauts fonctionnaires, au fond, qui en sont là pour garder l'application de certains plans, si je puis dire, peu importe les changements de ministres. Et il y a aussi, on peut considérer qu'au fond, qui gouverne le Québec? Je pense que les gens qui gouvernent le Québec, ce sont des particuliers très en moyen et des intérêts. Puis que, aussi, au fond, les lobbyistes au Québec ont un pouvoir extraordinaire, dépendamment de leur secteur. Donc, d'aller marcher dehors la CAQ, c'est sûr que je trouve ça un petit peu naïf. Je trouve ça un petit peu naïf. Ça fait 2 ans que les gens m'essaient de manifester, qui marchent, puis bon, le go démission, bon. Est-ce que vous avez vu François Legault reculer à cause d'une manifestation ou d'une marche? Premièrement, c'est une guerre d'opinion publique, c'est une guerre d'image. Et regardez de la façon dont les médias traitent l'information. Pensez-vous que ça va changer quoi que ce soit? Et puis, on retrouve les mêmes gens là-dedans. Donc, c'est pas le but, c'est pas de les dénigrer, mais on peut se poser des questions. On peut se poser des questions, à savoir, est-ce que c'est pas devenu une business à cause des dons, au fond? Puis, est-ce que ça a réellement fait quoi que ce soit de concret? Au niveau de certains réels conflits d'intérêts par rapport à la gouvernance de notre territoire, j'ai rien vu de réellement concret qui est sorti de ça. Donc, certaines choses qui devraient être couvertes par les médias ne le sont pas. Au niveau du conseil de presse, pourtant, une association peut déposer des mémoires, elle peut porter plainte et ainsi de suite. Et il ne semble pas y avoir eu grand-chose de ce côté-là. Il semblerait que ce soit pareil pour le Québec que partout ailleurs. Comme par exemple, vous, avez-vous vu Radio-Canada couvrir, par exemple, la guerre au Yémen par l'Arabie Saoudite? On ne nous en parle pas. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, qui est une création de l'Angleterre, est considérée comme un de nos alliés. Donc, c'est toujours deux poids, deux mesures. L'Azerbaïdjan a récemment commencé à attaquer l'Arménie. Avez-vous vu les médias couvrir ça? La guerre en Ukraine, elle dure depuis au moins 2014 et on ne nous en parlait pas. Est-ce que, par exemple, les Européens savent que les principaux propriétaires terriens en Ukraine sont des Américains, des Australiens et même, il me semble, des Saoudiens? Est-ce que réellement, lorsque Ursula von der Leyen fait ses discours, est-ce que réellement les Européens considèrent que cette guerre-là, les concerne et qu'il faut jeter complètement leur niveau de vie par terre pour l'Ukraine? Donc là, c'est la même chose au Québec, c'est-à-dire que la population n'est pas bien servie par les médias, n'est pas bien desservie par les médias. Donc, c'est la même chose, mais à une autre échelle. Donc, peu importe les marches par rapport à dehors la CAQ, puis pensez-vous que Germaine Landry, qui a 80 ans, que Germaine Landry de 80 ans, qui vit à Shawinigan, elle, ça va changer quoi que ce soit? Il y a une majorité de gens âgés qui vont toujours voter pour François Legault. Et pour ce qui est des jeunes gens, eux, ils vont être portés à voter Québec solidaire. Donc, entre les deux, on a des gens entre, je dirais, 40 et 55 ans qui sont nouvellement maintenant des partisans des conservateurs, d'Éric Duhaime. Pour ce qui est des libéraux, ben, il ne doit pas rester grand-chose, peut-être des anglophones de certains coins, qui vont tout le temps voter libéral, peu importe le contexte, même peu importe qui serait à la tête des libéraux. Donc, ces marches-là, puis cette mobilisation-là de l'énergie de la population, est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme une façon de capter l'énergie des gens qui sont mécontents afin d'envoyer cette énergie-là dans une direction qui ne nuira pas au plan des réels gouvernants au niveau de leur stratégie? Moi, c'est la question que je me pose. Puis quand je regarde aussi au niveau de cette dissidence-là, dissidence entre guillemets, bien, on remarque que c'est des mêmes gens qu'au début, je veux dire qu'il y a 2 ans. Puis on peut se poser des questions. Si c'est pas, au fond, une sorte de business, c'est pas devenu une sorte de business, puis s'il n'y en a pas là-dedans qui n'ont pas été mandatés pour capter l'énergie de la grogne populaire et l'envoyer dans des directions où elle ne servira pas, au fond. Donc, c'est pareil dans tout. C'est des tactiques, entre autres, de psychologie de masse, mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont à la tête de ces mouvements-là s'en rendent compte. C'est ce qu'on pourrait appeler des idiots utiles, sans vouloir les traiter d'idiots. Mais il reste que, bon, c'est bien beau. C'est vrai, vous voyez très, c'est bien beau. Puis c'est peut-être là le danger. Dans le sens que, pendant qu'il y a du réseautage qui se fait, que les gens socialisent, que les gens échangent entre eux, au fond, il n'y a pas grand-chose de concret qui se fait. Avoir une association, au moins profiter de votre statut d'association pour déposer des mémoires, des griefs, des plaintes au conseil de presse, des choses comme ça. C'est à des choses comme ça que devraient servir les dons au niveau d'une guerre de l'image par rapport à des médias qui ne desservent plus la population comme ils le devraient et depuis longtemps. à cause de toutes sortes de choses, notamment des lobbies, des intérêts, du trafic d'influence, de la corruption dans le fond, qui est le vrai noyau du problème. Donc, les réels enjeux ne sont pas au niveau de la scène du théâtre, ils sont en coulisses, derrière les rideaux, puis c'est toujours comme ça. Puis, les gens vont se positionner selon leurs propres intérêts, selon leurs propres instincts de préservation, au niveau, je dirais, de leur ego, dans le sens de presque égoïste, je dirais. Donc, par rapport à tout ça, moi, ce que je dis, c'est de ne pas être naïf, de ne pas être naïf. Là, M. Biden vient de déclarer que la pandémie est finie, ce qui a l'air d'avoir fortement déplu à M. Macron, parce qu'une des choses qui lui a permis, justement, de dissoudre un petit peu les problèmes qu'ils avaient avec les Gilets jaunes, par exemple, c'est la pandémie. Or, la guerre, la vraie crise, notamment la vraie guerre, n'est pas encore tout à fait commencée. Et c'est certain qu'il va y avoir des émeutes de la pauvreté et de la faim en Europe. Et c'est certain que les gouvernants européens, qui sont des vassaux des États-Unis, auraient voulu garder l'excuse de la pandémie, puis de la gestion de la pandémie, pour un petit peu réguler les mouvements de foule, si je puis dire. Or, M. Macron devrait se réjouir parce que je pense qu'il s'agit simplement d'une petite accalmie. C'est certain qu'à un moment donné, quand certains mouvements de foule, notamment aux États-Unis, vont être trop forts, il est possible que tout d'un coup, on retombe, entre guillemets, dans une pandémie. Donc, toutes ces choses-là, c'est jamais réellement, le fond des choses qui est regardé. Puis c'est pareil dans toutes les, entre guillemets, dissidences partout dans le monde. J'ai regardé ce matin, un hasard comme ça, une entrevue de Florian Philippot, que j'écoute pas d'habitude, avec M. Fabrice Divisio, qui discutait avec M. Fabrice Divisio. Et ce que M. Maître Divisio a trouvé de plus brillant à dire, c'est que Ursula von der Leyen est folle. Est-ce que vous trouvez que c'est une dissidence intelligente qui a du bon sens? Madame von der Leyen n'est pas folle. La psychopathie n'est pas une pathologie mentale au sens courant. Donc, il faut voir ces gens-là comme des mafieux liés à des intérêts. C'est ça, au fond. Quand un chef mafieux ordonne une purge dans un autre groupe criminalisé, puis qu'il y a des meurtres, il ne fait pas parce qu'il est fou. Il fait parce que c'est un psychopathe qui obéit à certains intérêts. C'est la même chose pour tous nos politiques, entre autres, surtout dans les dernières années. J'en vois pas là-dedans qu'on dirait que le portrait leur fait pas. Ils ont toutes l'air d'avoir ce type de caractère-là, dans le sens que des psychopathes, c'est de 2 à 3 à 4% de la population. Souvent, ça fait des chefs d'entreprise. On va dire des gens qui ont du leadership. Du leadership. Vous savez, la qualité qui fait que si vous mettez des singes en cage, un des singes va être plus agressif et finir par avoir plus à manger que les autres parce qu'il est dominateur. Dans le monde de la politique, on appelle ça du leadership. Et on est rempli de petits clins pleins de leadership. Ursula von der Leyen, elle n'est pas folle, elle est corrompue. Elle est corrompue et sans empathie et sans intérêt au niveau des réels intérêts de la population européenne. Parce qu'au fond, ce qu'elle défend, c'est les intérêts de la politique occulte américaine. Pourquoi? Parce que Joe Biden, c'est pas lui qui gouverne les États-Unis. C'est des intérêts rattachés notamment au clan Clinton, au Obama, à l'administration Obama qui continue. Puis, prenez la famille de Biden, ils ont des intérêts en Ukraine, de la même façon que la famille Bush avait des intérêts dans le pétrole. Donc, c'est toujours d'être obligé de regarder derrière les rideaux, derrière les voiles. C'est pour ça, jusqu'à un certain point, que c'est important de suivre les médias, mais pas pour prendre comme tout cuit tout ce qu'ils disent, mais tout simplement pour avoir la faculté de voir au-delà de ce qui est dit, de se rendre compte à quel point il s'agit toujours d'intérêts, puis à quel point c'est toujours manipulateur, puis il y a toujours deux poids, deux mesures. Est-ce que vous entendez Justin Trudeau se plaindre des droits humains par rapport à l'Arabie Saoudite? Savez-vous qu'il y a des liens de parenté entre certains membres de la famille royale anglaise et les princes saoudiens? C'est très lointain, mais c'est là pareil. L'Arabie Saoudite est une création de l'Angleterre. Donc, si vous regardez l'histoire comme il faut, à un moment donné, on voit. Prenez, lorsque Saddam Hussein faisait une purge, c'est pas parce qu'il était fou. Il était pas fou. Il a peut-être été un petit peu naïf avec les Américains, qui justement, c'est la CIA qui a fait que le parti Baas en Irak a pris le pouvoir, puis que Saddam Hussein est devenu ce qu'il est devenu. Mais quand il faisait des purges, c'est tout simplement parce que c'est un gars qui a du leadership. Hein? Si on prend les termes, les euphémismes qu'on entend habituellement, ben, je dirais de la même façon que tous les chefs de parti qu'on voit en ce moment sont des gens qui ont du leadership. Donc, aussi sympathique et naïf puisse-t-il sembler être. Donc, advienne que pourra, je veux dire, ce qui va arriver, elle ne peut pas être empêchée par des marches. Il faudrait des choses un petit peu plus concertées, un petit peu plus concrètes. Mettre les médias devant leurs contradictions. Mais ça, c'est ceux qui ont fondé des fondations puis des regroupements à le faire. Pas à quelqu'un de tout seul. Mais je peux quand même donner mon son de cloche, dans le sens que on n'est pas stupide non plus. Bon, hein? Comme Madame Goyer, qui est une communicatrice, Madame Goyer qui était dans Équiterre avec Monsieur Guilbeault, semble-t-il, ou Madame Paul qui est allée tourner une émission en Autriche qui était vue par après comme une arnaque, ou c'est à ce niveau-là là, que moi j'ai des questionnements, puis que j'ai pas confiance depuis le début. Je peux pas avoir confiance. Parce que la nature humaine, c'est la nature humaine. Puis des singes, ben, ça veut se grimper sur le dos. Puis c'est une guerre d'influence, même à tous les niveaux, même au niveau des petits clans, c'est au niveau d'un niveau plus petit qui sont socialisés. Mais je vois pas de différence entre les forces de subjectivité qui vont faire qu'un François Legault ou qu'un Joe Biden va dire totalement le contraire de la réalité d'une façon absurde dans des déclarations publiques. Puis je comprends parfaitement aussi que le public soit dupe. On est conditionné tout le temps. Donc, c'est à vous d'y voir. Mais moi, personnellement, je ne peux pas participer à des marches parce que je le sais que ça peut être utile pour le réseautage, puis ça peut être utile pour se remonter le moral, puis se situer au niveau d'une opinion psychologique. Mais ben franchement, mais je peux pas décourager les gens d'aller marcher à l'Assomption. Allez-y, marchez dehors la CAQ, avec un peu comme Maître Divisio qui manque de subtilité un petit peu en disant faut sortir les poubelles. Ben oui, mais vous n'avez pas remarqué que dès qu'une poubelle sort, il y en a 10 pour la remplacer? En tout cas, c'est ça. Bonne journée.